sommes chez Marguerite Gauthier, à Paris. Sonné. Valentin ira ouvrir. C'est Marguerite, sans doute. Pas encore. Elle ne doit rentrer qu'à 10h30 et il est à peine 10h. Tiens, c'est mademoiselle Michel. Marguerite n'est pas là. Non, mademoiselle. Vous auriez voulu la voir? Je passais devant sa porte et je montais pour l'embrasser, mais puisqu'elle n'y est pas, je m'en vais. Ben, attendez-la un peu, elle va rentrer. Oh, je n'ai pas le temps. Gustave est en bas. Ah. Elle va bien. Toujours de même. Vous lui direz que je viendrai la voir un de ces jours. Adieu, l'ami. Adieu, mademoiselle. Adieu, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille? C'est mademoiselle Nichette. Elle a été camarade de madame dans le magasin où madame travaillait autrefois. Marguerite a donc été dans un magasin? Elle a été lingère. Ah. Vous l'ignoriez? Ça n'est pourtant pas un secret. Elle est jolie, cette petite Nichette. Et sage. Mais ce monsieur Gustave dont elle parlait et qui l'attendait en bas... C'est son mari. C'est monsieur Nichette? Il n'est pas encore son mari, mais il le sera. En un mot, c'est son amant. Bien, bien, bien. Elle est sage, mais elle a un amant. Qui n'aime qu'elle. Comme elle n'aime et n'a jamais aimé que lui. Et qui l'épousera, c'est moi qui vous le dis. Mademoiselle Nichette est une très honnête fille. Et puis après tout, peu m'importe. Décidément, mes affaires n'avancent pas ici. Pas le moins du monde. Il faut avouer que Marguerite a une drôle d'idée de sacrifier tout le monde à monsieur de Mauriac. Qui ne doit pas être amusant. Pauvre homme, c'est son seul bonheur. Il est son père ou à peu près. Ah oui. Oh, il y a une histoire très pathétique là-dessus. Malheureusement... Malheureusement? Il n'y croit pas. Écoutez, monsieur de Varville, il y a bien des choses vraies à dire sur le compte de madame. Et c'est une raison de plus pour ne pas dire celles qui ne le sont pas. Il y a 2 ans, après une grave maladie, madame est allée aux eaux pour achever de se rétablir. Je l'accompagnais. Parmi les malades de la maison des Bœufs, se trouvait une jeune fille, à peu près de son âge, atteinte de la même maladie qu'elle, et lui ressemblant comme une sœur. Cette jeune fille, c'était mademoiselle de Mauriac. La fille du duc. Mademoiselle de Mauriac mourut. Et là. Et le duc, désespéré, retrouvant dans les traits, dans l'âge et jusque dans la maladie de Marguerite, l'image de sa fille, la supplia de le recevoir et de lui permettre de l'aimer comme son enfant. Alors, Marguerite lui avoua la vérité. Car madame ne ment jamais. Naturellement. Et comme Marguerite ne ressemblait pas à mademoiselle de Mauriac autant au moral qu'au physique, le duc lui promit tout ce qu'elle voudrait si elle consentait à changer d'existence. Ce à quoi s'engagea Marguerite, qui, naturellement encore, de retour à Paris, se garda bien de tenir la parole donnée. Et le duc, comme elle ne lui rendait que la moitié de son bonheur, a retranché la moitié du revenu. Et si bien qu'aujourd'hui, elle a 50 000 francs de dette. Que vous en faites payer. Mais on aime mieux devoir de l'argent à d'autres que devoir de la reconnaissance à vous. D'autant plus que monsieur le comte de Giret est là. Oh, vous êtes insupportable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire du duc est vraie, je vous en donne ma parole. Quant au comte, c'est un ami. Prononcez donc mieux. Mais oui, un ami. Quelle mauvaise langue vous êtes. Cette fois-ci, c'est madame. Faut-il lui répéter tout ce que vous avez dit? Gardez-vous-en bien. Nadine, va dire qu'on nous prépare à souper. Oh non, mais ça donnera bon mieux, je les ai rencontrés à l'opéra. Bien, madame. Vous voilà, vous. Est-ce que ma destinée n'est pas de vous attendre? Est-ce que ma destinée à moi est de vous trouver ici à toute heure? Jusqu'à ce que vous me défendiez votre porte, je viendrai. Qu'est-ce que vous avez encore à me dire? Toujours la même chose, vous le savez bien. Oh, vous êtes monotone, Varville. Est-ce ma faute si je vous aime? Belle raison. Mais mon cher, s'il me fallait écouter tous ceux qui m'aiment, je n'aurais pas seulement le temps de dîner. Non, pour la 100e fois, je vous le répète, vous perdez votre temps. Si vous devez continuer à me parler de votre amour, je vous mets à la porte. Cependant, Marguerite, l'année passée à Bagnères, vous m'aviez donné quelque espoir. Oh, c'était à Bagnères, j'étais malade, je m'ennuyais. Et si ce n'est pas la même chose, je vais mieux, je ne m'ennuie pas. Je conçois que lorsqu'on est aimé du duc de Mauriac, et qu'on aime monsieur du Giret... Si je suis libre d'aimer qui je veux, ça ne regarde personne. Vous, moins que tout autre. Et si vous n'avez vraiment pas autre chose à me dire, je vous le répète, vous pouvez vous en aller. Varville. Vous ne voulez pas vous en aller? Non. Non? Alors mettez-vous au piano. Le piano, c'est votre seule qualité. Que faut-il jouer? Que vous voudrez. Nanine, madame. Tu as commandé le souper? Oui, madame. As-tu vu Prudence? Oui, madame. Elle viendra ce soir? Tout à l'heure, en rentrant. Mademoiselle Nichette est venue. Oh, pourquoi n'est-elle pas restée? Monsieur Gustave l'attendait en bas. Ah. Le docteur aussi est venu. Il a recommandé que madame se reposât. ce bon docteur. C'est très joli ce que vous jouez là, Varville. Écoutez, Marguerite, j'ai 80 000 livres de rente. Oui, moi j'en ai 100. J'oubliais, on a apporté un bouquet. De ma part. Rose et lilas blanc. Emporte ce bouquet dans ta chambre, mon ami. Vous n'en voulez pas? Comment m'appelle-t-on? Marguerite Gauthier. Non, quel surnom m'a-t-on donné? Celui de la dame aux camélias. Pourquoi? Parce que vous ne portez jamais que ces fleurs. Ce qui veut dire que je n'aime que celle-là et qu'il est inutile de m'en envoyer d'autres. Si vous croyez que je fais une exception pour vous, vous avez tort, les parfums me rendent malade. Je n'ai pas de bonheur. Adieu, Marguerite. Adieu, Varville. Adieu. À quoi cela, là, monsieur Saint-Gaudens? Oh, arrive, le... Arrive! J'ai cru que tu ne viendrais plus. C'est la faute de Saint-Gaudens. Et c'est toujours ma faute. Bien, bonsoir, Varville. Bonsoir, cher ami. Vous soupez avec nous? Non, il ne soupe pas avec nous. Non. Et vous, cher enfant, comment allez-vous? Très bien. Allons, tant mieux. Va-t-on s'amuser ici? On s'amuse toujours où vous êtes. Oh, méchant. Ce cher Varville, si je ne joue pas avec nous, ça fait une peine affreuse. Dites-moi, en passant devant la maison d'or, j'ai dit qu'on apporte des huîtres et un certain vin de champagne qu'on ne donne qu'à moi. Il est parfait. Madame, ce soupe sera prêt dans 5 minutes. Où faudra-t-il servir? Dans la salle à manger? Non, ici, nous serons beaucoup mieux. Bien, madame. Eh bien, Varville, vous n'êtes pas encore parti? Je pars. Prudence! Thomas, Prudence demeure donc en face. Elle demeure même dans la maison, vous ne le saviez pas. Toutes nos fêtes correspondent, nous ne sommes séparés que par une petite cour. C'est très commode quand j'ai besoin d'elle. Oui, à ça, quelle est sa position à Prudence? Elle y me dit. Oh, il y a moi qui lui achète des chapeaux. Que tu ne mets jamais. Ils sont affreux. C'est pas une mauvaise femme, elle a besoin d'argent. Prudence! Madame! Et bien, pourquoi ne me trouve pas? C'est un froid ici. Tiens, vous êtes encore là, Varville? Mettez donc du bois dans le feu. Tâchez de vous rendre utile, au moins, puisque vous ne pouvez pas être agréable. Pourquoi n'as-tu pas invité de nous? Pourquoi ne l'as-tu pas amené, ma chère Olympe? C'est un godin. Oh, tu n'es pas habitué. Pas encore, ma chère. À son âge, on prend si difficilement une habitude et surtout une bonne. Madame, tu verras moi. Je croyais qu'il y avait du monde. Oh, Prudence, comment c'est politique? Comment allez-vous, chère madame? Mais très bien, et vous, cher monsieur? Oh, comment on se parle ici? Je sais que Gaston est un homme du monde. Voyons. Et puis d'ailleurs, il faut bien le dire, Ernestine m'arracherait les yeux si nous nous parlions autrement. Mais voyons, les mains d'Ernestine sont trop petites et vos yeux sont trop grands. Oh, c'est une moribondage! Oh, ma chère Marguerite, permettez-moi de vous présenter Monsieur Armand Duval. Madame. L'homme de Paris qui est le plus amoureux de vous. Dites qu'on mette deux couverts de plus, alors. Car je crois que cet amour-là n'empêchera pas monsieur de souper. Ah, oh, ce cher Gaston, que je suis aise de le voir. Toujours jeune, mon vieux Saint-Gaudens. Oui. Et les amours? Eh bien, vous voyez. Je vous fais mon compliment. Dites-moi, est-ce que vous êtes parent, monsieur, de monsieur Duval, receveur général? Oui, monsieur. C'est mon père. Le connaissiez-vous? Eh bien, je l'ai connu autrefois chez la baronne de Nerset, ainsi que madame Duval, votre mère, qui est une bien belle et bien aimable personne. Elle est morte il y a 3 ans. Pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir rappelé ce chagrin. On peut toujours me rappeler ma mère. Les grandes et pures affections, cela de beau qu'après le bonheur de les avoir éprouvées, il reste le bonheur de s'en souvenir. Mais vous êtes fils unique? Non, j'ai une sœur qui habite Tours. Ah, Gaston. Il est charmant, votre ami. Je le crois bien. Et de plus, il a pour vous un amour extravagant. C'est pas Prudence? Prudence! Viens. Je disais à Marguerite qu'Armand est fou d'elle. Oh, il ne ment pas. Vous ne pouvez pas vous douter de ce que c'est. Mais il vous aime, ma chère, à ne pas oser vous le dire. Armand passe sa vie chez Gustave et chez Michette pour entendre parler de vous. Mais quand vous avez été malade, il y a 1 an, avant de partir pour Bagnères, on vous a dit que tous les jours, un jeune homme venait savoir de vos nouvelles sans dire son nom. Oui, je me souviens. Eh bien, c'était lui. C'était lui. Oh, c'est très gentil, cela. Monsieur Duval. Madame. Savez-vous ce qu'on me dit? On me dit que pendant que j'étais malade, vous êtes venu chaque jour prendre de mes nouvelles. C'est la vérité, madame. C'est bien le moins que je vous en remercie. Varville. Oui. Vous avez entendu? Vous n'en avez pas fait autant, vous. Il n'y a pas 1 an que je vous connais. Oh, Oh, un monsieur qui ne me connaît que depuis 5 minutes. Mais il faut toujours que vous disiez des bêtises. À table, moi je meurs de faim. Au revoir, Marguerite. Quand vous reverra-t-on? Quand vous voudrez. Oh, adieu, alors. Messieurs. Adieu, Marguerite. Adieu. Oh, ma chère enfant, vous êtes vraiment trop dure avec le baron. Oh, il est assommant, le baron. Il vient toujours me proposer de me faire des rentes. Tu t'en plains? Je voudrais bien qu'il m'en propose un, moi. Ah, c'est agréable pour moi, ce que tu dis, là. Oh, d'abord, mon cher, je vous prie de ne pas me tutoyer. Je ne vous connais pas. Mes enfants, je vous en supplie. Servez-vous, buvez, mangez. Mais ne vous disputez que juste ce qu'il faut pour vous raccommoder. Tout de suite. Sais-tu ce qu'il m'a donné pour ma fête? Qui? Saint-Gaudens. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qu'il t'a donné, Saint-Gaudens? Il m'a donné un coupé. Mais de chez Pintère. Oui, mais je n'ai pas pu parvenir à lui faire donner les chevaux. C'est toujours un coupé. Mais je suis ruiné, mais moi pour moi-même. La belle occupation. Oh, quelles sont ces petites bêtes? Des perdreaux. Oh, donne-moi-en un, dis. Oh, ne lui faut qu'un perdreau à la fois. Quelle belle fourchette. C'est peut-être elle qui a ruiné Saint-Gaudens. Non, mais ça, si tu parles à une femme, de mon temps. Oh, il va être question de Louis XV. Marguerite, donnez du vin à Armand, il est triste comme une chanson à boire. Allons, monsieur Duval, buvez à ma santé. À la santé de Marguerite. C'est pourtant vrai que la vie est gaie et que pour une danse, c'est grâce. Il y a 30 ans que c'est comme ça. Ah, il faut en finir avec cette plaisanterie. Mais quel âge crois-tu que j'ai? Je crois que tu as 40 ans bien sonné. Elle est bonne avec ses 40 ans. J'ai eu 25 ans l'année dernière. Oui, ce qui t'en fait déjà 36. Mais tu n'en apparais pas plus de 5 ans. Oh, à propos d'âge, Saint-Gaudens, on va raconter une histoire sur votre corps. Et à moi aussi. Non, mais quelle histoire? Les questions d'un fiacre jaune. Elle est vraie, ma chère. Oh, voyons l'histoire du fiacre jaune. Oui, mais laissez-moi me mettre à côté de Marguerite. Je m'ennuie à côté de Prudence. Quel gaillard bien élevé. Gaston, ça, c'est vrai. L'excellent souper. Je le vois venir. Il veut esquiver l'histoire du fiacre. Jaune. Moi, je l'ai bien égal. Eh bien, figurez-vous que Saint-Gaudens était amoureux d'Amanda. Oh, je suis trop ému, il faut que j'embrasse Marguerite. Oh, mon cher, vous êtes insupportable. Olympe est furieuse parce que je lui ai fait manquer son effet. Oh, elle n'a pas raison. Voulez-vous laisser parler, Olympe? Eh bien, un jour, ou plutôt un soir, Saint-Gaudens suivait un fiacre jaune. Gaston a raison. Et enfin, qu'est-ce qu'elle prouve, votre histoire? Que je connais, c'est vieille comme Prudence. Elle prouve que Saint-Gaudens a suivi à pied un fiacre jaune, dont il a vu descendre à Génor à la porte d'Amanda. Elle prouve qu'Amanda a trompé Saint-Gaudens, c'est alors comme c'est neuf. Mais qui est-ce qui n'a pas été trompé? On sait bien qu'on est toujours trompé par ses amis et ses maîtresses. Et tout ça finit sur l'air du jeune homme empoisonné. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je savais aussi bien qu'Amanda me trompait avec Athénor que je sais qu'Olympe me trompe avec Edmond. C'est admirable. Bravo, Saint-Gaudens! Mais Saint-Gaudens, c'est un héros. D'ailleurs, c'est simple, nous allons toutes être folles de Saint-Gaudens! Les enfants de Saint-Gaudens lèvent la main. Oh non, non! Oh, quelle unanimité! Ça ne fait rien. Gaston, douez-nous de quoi faire danser Saint-Gaudens. Mais je ne fais qu'une polka. Eh bien, va pour une polka. Allons, allons, Saint-Gaudens et Armand. Mais j'ai pas fini, moi! Messieurs, Marguerite a dit Armand tout court! Dépêchez-vous, voilà le passage où je m'embrouille! Est-ce que je vais danser avec Saint-Gaudens, moi? Non, non, moi je danse avec Saint-Gaudens. Allons, Saint-Gaudens, venez. Allons, Armand, allons, allons! Un, deux! Qu'est-ce que vous avez? J'ai tout. Vous souffrez, madame. Oh, mais ce n'est rien. Mais non, c'est rien. Continuons, je vous en prie. Mais continuons. Tais-toi donc, Gaston. Marguerite est malade. Mais qu'avez-vous? C'est toujours la même chose, vous savez. Laissez-moi ça. Ils sont là, ils sont là. Faites très attention. Oui. comment allez-vous? Ah, c'est vous. Merci, je vais mieux. D'ailleurs, je suis accoutumée. Vous vous tuez. Je voudrais être votre ami, votre parent, pour vous empêcher de vous faire du mal. Vous n'y arriveriez pas. Et qu'avez-vous? Ce que je vois... Oh, vous êtes bon. Mais tenez, écoutez dans les autres s'ils s'occupent de moi. Les autres ne vous aiment pas comme je vous aime. C'est juste. J'avais oublié ce grand amour. Vous en riez? Oh, non, Dieu m'en garde, j'entends tous les jours la même chose. Je n'en ris plus. Soit. Mais cet amour vaut bien une promesse de votre part. Ah? Laquelle? Celle de vous soigner. Me soigner? Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Mais si je me soignais, je mourrais, mon cher. Ce qui me soutient, c'est cette vie fiévreuse que je mène. Et puis se soigner, c'est bon pour les femmes du monde qui ont une famille et des amis, mais nous, dès que nous ne pouvons plus servir au plaisir ou à la vanité de personne, on nous abandonne. Et les longues soirées succèdent aux longs jours. Oh, je le sais. J'ai été malade pendant 2 mois. Au bout de 3 semaines, personne ne venait plus me voir. Il est vrai que je ne vous suis rien, mais si vous le vouliez, je vous soignerai comme un frère. Je ne vous quitterai pas et je vous guérirai. Et quand vous en auriez la force, vous reprendriez la vie que vous menez, si bon vous semble. Mais j'en suis sûr, vous aimeriez mieux alors une existence tranquille. Vous avez le vin triste. Vous n'avez donc pas de cœur, Marguerite. Oh, le cœur! C'est la seule chose qui fasse faire naufrage dans la traversée que je fais. Mais c'est sérieux? Très sérieux. Prudence ne m'a pas trompée, alors, quand elle m'a dit que vous étiez sentimentale. Ah, si, vous me soigneriez? Oui. Vous resteriez tous les jours auprès de moi? Tout le temps que je ne vous ennuierai pas. Et vous appelez cela? Et du dévouement. Et d'où vient ce dévouement? D'une sympathie irrésistible que j'ai pour vous. Depuis quand? Depuis 2 ans. Depuis un jour où je vous ai vu passer devant moi, belle, fière, souriante. Depuis ce jour, j'ai suivi de loin et silencieusement votre existence. Comment se fait-il que vous ne me disiez tout cela qu'aujourd'hui? Je ne vous connaissais pas. Il fallait faire connaissance. Voyons ce qu'on se gêne avec une femme comme moi. On se gêne toujours avec une femme. Et puis... Et puis? J'avais peur de l'influence que vous pouviez prendre sur ma vie. Ainsi, vous êtes amoureux de moi. Oh, si je dois vous le dire, ce n'est pas aujourd'hui. Mais ne me le dites jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne peut résulter que 2 choses de cet aveu. Ou que je n'y crois pas, alors vous m'en voudrez, mais si. Ou que j'y crois, alors vous aurez une triste société. Celle d'une femme malade, nerveuse, triste, ou gaie. Une gaieté plus triste que le chagrin. Et puis croyez-moi, une femme qui dépense 100 000 francs par an, c'est bon pour un vieux Richard comme le duc, mais c'est très ennuyeux pour un jeune homme comme vous. Oh. Nous disons là des enfantillages. Donnez-moi la main, allons joindre les autres. Allez, si bon vous semble. Moi, je vous demande la permission de rester ici. Parce que? Parce que votre gaieté me fait mal. Voulez-vous que je vous donne un bon conseil? Donnez. Si ce que vous me dites est vrai, prenez la poste et sauvez-vous. Ou bien alors, aimez-moi comme un ami, mais pas autrement. Mais si, venez me voir quelquefois. Nous rirons, nous causerons. Oh, mais ne vous exagérez pas ce que je vaux, car je ne vaux vraiment pas grand-chose. Oh, mais à quoi que diable faites-vous là? Et nous parlions raison, figurez-vous. Mais laissez-nous un peu, nous vous rejoindrons tout à l'heure. Bien, bien, posez les enfants, posez. Alors, c'est bien convenu? Vous ne m'aimez plus? Je suivrai votre conseil, je partirai. C'est à ce point-là? Oui. Peu de gens m'en ont dit autant qu'ils ne sont pas partis. Et vous les avez retenus? Ma foi, non. Vous n'avez jamais aimé personne? Mais jamais, grâce à Dieu. Ah, je vous remercie. De quoi? De ce que vous venez de dire. Rien ne pouvait me rendre plus heureux. Si je vous disais, Marguerite, que j'ai passé des nuits entières sous vos fenêtres, que je garde depuis 6 mois un bouton tombé de votre gant. Je ne vous croirais pas. Vous avez raison, je suis un fou. Riez de moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Adieu. Armand! Voyons. Dans tout ce que vous venez de me dire, y a-t-il un peu de vrai? Vous me le demandez. Oui. Alors donnez-moi une poignée de main. Venez me voir quelquefois, souvent. Et si, nous en reparlerons. C'est trop et ce n'est pas assez. Oh, eh bien alors, demandez ce que vous voudrez, puisqu'à ce qu'il paraît, je vous dois quelque chose. Vous ne parlez pas ainsi. Je ne veux plus vous voir rire avec les choses sérieuses. Je ne ris plus. Répondez-moi. Voyons. Voulez-vous être aimé? C'est cela? Par qui? Par moi. après? Être aimé d'un amour profond, éternel. Éternel? Oui. Et si je vous crois tout de suite, que direz-vous de moi? Je dirai... Vous direz. Vous direz ce que tout le monde en dit, bien sûr. Oh, mais après tout, peu importe, puisque je vais vivre moins longtemps que les autres, il faut bien que je vive plus vite. Mais rassurez-vous, si éternel que soit votre amour et si peu de temps qu'il me reste à vivre, je crois que je vivrai encore plus longtemps que vous ne m'aimerez. Marguerite. Et vous êtes émue. Vous paraissez sincère. Tout cela mérite quelque chose. Prenez cette fleur. Qu'en ferai-je? Vous me la rapporterez. Quand? Quand elle sera fanée. Et combien de temps lui faudra-t-il pour cela? Ce qu'il faut à toute fleur pour se faner, l'espace d'un soir ou d'un matin. Ah, Marguerite, que je suis heureux. Eh bien, dites-moi. Dites-moi encore que vous m'aimez. Oui, je vous aime. Maintenant, partez. Je pars. Vive monsieur et madame Duval! Cœur des villageois, c'est une heureuse journée, unissons dans ce beau jour les corbeaux de l'hyménée avec les fleurs de l'amour, les corbeaux de l'hyménée avec les fleurs de l'amour. Oh là là, le bal de Nord, mais c'est moi qui vais vous faire danser. Attendez-moi, je finis de dire drôle.